Bonjour à tous, je vais vous lire un document qui fait partie d'un corpus que j'ai reçu par mail il y a plusieurs mois. Je vous ai mis le lien de l'association dans la description. La mafia des pédomanes. La sexualité puérile est encore un continent interdit. Aux découvreurs du XXIe siècle d'en aborder les rivages. Jacques Lang, ancien ministre de l'Éducation. Sommaire. Jusqu'où tolérera-t-on l'intolérable? Une actualité brûlante, les avancées du lobby pédomane. Les pédomanes réclament les mêmes droits que les homosexuels, l'éducation sexuelle de l'homme nouveau. Les origines, Freud, les raisons du succès, l'éducation sexuelle, ce Jean-Georges Lukács, Alfred Kinsey ou la banalisation des déviances, la coalition des ordures, libérer nos camarades, la déclaration de guerre des homosexuels révolutionnaires. Dans les hautes sphères, une justice étrangement sourde, la puissance du lobby pornographique en France, sous le couvert de la religion, témoignage « Je voulais être mannequin », Jimmy Savile, le prédateur derrière la vedette. Explication occulte, les élites de ce bas monde, les raisons occultes des abus sexuels, le dragon de Sodome, électricité et sexualité, l'inévitable dissolution de l'humanité. Conclusion, l'esprit 666. Qu'est-ce que le chrome? Le Centre de Recherche sur l'Ordre Mondial, CROM, CROM, est une cellule qui tente d'identifier les groupes et individualités œuvrant à la mise en place du gouvernement mondial, ainsi que les stratégies que ceux-ci déploient, actuellement et dans le futur, pour atteindre leurs objectifs totalitaires. Le CROM agit sur trois fronts. 1. La récolte d'informations et leur vérification. 2. La synthèse des données par des groupes de réflexion. 3. La diffusion, par le biais de documents et séminaires intensifs, de ces données clarifiées aux personnes susceptibles d'en avoir usage. Qu'est-ce que le CROM a à apporter de nouveau? Nous avons réalisé que le milieu dit conspirationniste est saturé d'informations et de révélations nouvelles, sans être capable pour autant de dégager une conscience claire sur ces questions. Internet, malgré ses aspects séduisants, agit comme une technologie de brouillage mental. Nous avons l'objectif de combler les points faibles de ce milieu et ainsi de donner aux opposants du nouvel ordre mondial des outils efficaces dans leur lutte. Qu'entendez-vous par la notion de politique occulte? Nous estimons que l'essentiel du plan mondialiste se concocte dans des loges secrètes dont personne n'a jamais soupçonné l'existence. Ces loges influencent d'autres groupes et individus qui, plus ou moins consciemment, participent à leur plan. Cela concerne les chefs d'État, mais aussi la plupart des groupes soi-disant altermondialistes. Les loges maçonniques sont des acteurs non négligeables, mais il ne faut pas mésestimer la force occulte des grandes religions. Pour comprendre cette politique-là, il ne s'agit pas de s'adonner soi-même à l'occultisme et à la magie, mais par des synthèses efficaces à identifier les manœuvres subtiles d'un adversaire toujours mouvant. Quelles sont les sources d'information du CROM? Nous disposons d'un certain nombre d'agents relais en francophonie et de contacts fiables à l'étranger. Nous privilégions avec ces agents les rencontres physiques afin de garantir une liaison efficace. Par ailleurs, nous sommes affiliés à une cellule mère aux États-Unis, le WORC, World Order Research Center, qui nous transmet les informations qu'elle juge pertinentes à notre travail. Le WORC est coordonné par un officier de l'US Navy à la retraite. Ces nombreux contacts, au sein même des services secrets américains, font remonter l'information jusqu'à lui. Cette cellule américaine a l'avantage d'être au cœur du pays où est en train de s'extérioriser le plus visiblement le gouvernement de l'ombre. La relation du CROM avec le WORC. Nous sommes une filiale autonome du WORC qui reprend le même modèle de travail mais qui dispose d'une liberté d'action et de recherche totale. L'organe de diffusion du WORC est la revue secrète Nova Police. Celui du CROM est la revue Vitriol. Alors, Vitriol qui reprend probablement une expression maçonnique. Hein. Ce sont des initiales qui désignent une phrase. Quoique nous partagions nos informations, nos perspectives sont très différentes. En effet, si la France et les États-Unis représentent deux terrains d'expérimentation du futur gouvernement mondial, la France par son administration crypto-bolchevique et les États-Unis par ses services secrets spécialisés dans la manipulation occulte, cela se manifeste de manière tout à fait différente et exige donc de notre part des stratégies différentes. Peut-on prendre contact avec le WORC? Quoiqu'ayant déjà mené de nombreuses opérations, le WORC ne s'est jamais extériorisé sous ce nom. En règle générale, ce n'est pas le WORC qu'on contacte, mais c'est le WORC qui nous contacte lorsqu'on est jugé suffisamment fiable. Est-il possible de collaborer avec le CROM? Le CROM est toujours à la recherche de partenaires fiables pour mener des opérations de tout ordre. Cependant, nous avons surtout besoin de personnes lucides qui ont déjà assimilé les fondamentaux de nos recherches. C'est pourquoi nous organisons des séminaires intensifs sur un week-end. Les participants sont bien entendu libres de faire ce qu'ils veulent de ces informations, mais ils peuvent aussi se rendre disponibles pour devenir des agents relais du CROM. Quels sont les objectifs des séminaires intensifs? L'objectif premier est bien entendu d'informer. Nous estimons que plus les gens seront conscients de ce qui va se produire dans les temps à venir, plus ils en seront protégés. La conscience est une force insoupçonnée, que justement l'adversaire cherche à noyer, notamment par la surinformation et le déversement d'ondes électromagnétiques, ce qui revient en même d'un point de vue occulte. Nous privilégions les séminaires intensifs car nous avons réalisé qu'il n'y a rien de plus efficace en termes de communication que la transmission orale directe. Ces séminaires sont par ailleurs des occasions de rencontre entre des personnes animées par la même révolte face aux manipulations des mondialistes. Pourquoi avoir décidé de créer un site web? Il faut savoir que les textes publiés sur notre site web représentent des synthèses de recherches menées sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Nous les mettons en ligne car ils circulent depuis longtemps sur Internet sans que les gens en connaissent nécessairement la source. Cependant, au vu du peu d'intérêt porté à ces vérités et la tendance actuelle à vouloir tout savoir sans faire d'efforts, nous sommes naturellement récalcitrants à en faire plus. N'avez-vous pas peur d'être repéré en étant sur Internet? Nous sommes déjà identifiés par les services compétents, mais nous bénéficions de certaines protections pour pouvoir mener notre travail à son terme. Cela ne nous empêche pas d'être attaqués par le biais d'agents, de semeurs de troubles ou d'autres canaux occultes. Mais nous avons la chance d'être une équipe soudée, éprouvée par le temps et les difficultés. Introduction. Jusqu'où tolérera-t-on l'intolérable? Imaginez une société dans laquelle les pires vices seraient érigés en vertus, les personnes les plus immorales seraient responsables d'établir les codes de loi, les représentants du pouvoir, organisés en réseau, s'enrichiraient par le vol, le viol et le meurtre. Dans cette société, vos enfants seraient susceptibles de devenir des esclaves sexuels, de puissants pervers, et tout le monde ou presque trouverait cela normal. Cette société, c'est la vôtre. On est en droit de se demander pourquoi un dossier sur la pédophilie? Quelle espèce de tordu peut s'intéresser à ces horreurs? L'auteur de ces lignes invite les lecteurs désireux de préserver leur confort intellectuel et moral à refermer ce dossier. Le but du CROM n'a jamais été de donner dans le sensationnel. Aujourd'hui, loin de nous l'idée de faire du conspirationnisme hardcore. Soulever le voile, d'abord moral, qui recouvre la question de la pédocriminalité, n'a de sens que dans une démarche sincère de recherche de vérité. La curiosité malsaine n'a donc pas sa place ici. Il s'agit de comprendre un adversaire pour savoir comment le combattre. La connaissance nous affranchira à condition que nous sachions l'utiliser pour ouvrir les yeux sur la nature profonde du monde dans lequel nous vivons. La situation est grave. Après la légalisation de l'avortement, la normalisation de l'homosexualité et de la transsexualité, et la création de lobbies défendant ces tendances, un lobby des pédophiles bataille, et ce depuis plusieurs décennies, pour ériger la pédophilie en un penchant sexuel normal et anodin. Est-il acceptable de violer des jeunes enfants en toute légalité? Soyons francs, quiconque ne se révolte pas devant ce crime acceptera tout. Il ou elle est donc une âme perdue. Un proverbe chinois décrit parfaitement la situation actuelle: le poisson qui nage dans le sens du courant est un poisson mort. Si étymologie signifie science de ce qui est vrai, alors la vérité est dans le mot. Réfléchir au terme couramment usité de pédophilie, qui désigne l'ensemble des crimes sexuels commis contre des enfants, suffit à comprendre l'objectif du lobby des pédophiles. Si à ce jour le terme est péjoratif, sa réelle signification, étymologiquement, n'en reste pas moins celui qui aime les enfants. Soyez-en assuré, il retrouvera ce sens sous peu. Et l'amalgame sera fait entre l'amour qu'on peut porter à un enfant et les relations sexuelles avec des mineurs. Ce cheval de Troie est à l'œuvre depuis les années 70, période où les pervers pouvaient librement défendre sur les plateaux de télévision leur droit à exprimer sexuellement leur amour pour les enfants. A contrario, le terme homophobe, par exemple, indique comment s'exprimera dans un futur proche la police de la pensée. Quiconque remettra en question l'absolue normalité de l'homosexualité sera considéré comme un malade atteint d'une phobie, laquelle nécessite généralement un traitement médical. Nous le voyons clairement, Les comportements qui doivent être éradiqués sont regroupés sous un vocable péjoratif, souvent associé à une pathologie, tandis que les tendances encouragées sont regroupées sous un terme positif. Pour ne pas faire le jeu pervers du système, nous parlerons donc non plus de pédophilie, mais de pédomanie. La pédomanie, qui frapperait en France plus de 2 millions d'enfants, est-elle en passe de devenir un comportement normal? Comment est-ce possible? Pourquoi le pédomane dispose-t-il d'une telle impunité dans nos sociétés occidentales, alors qu'il se livre probablement à la pratique la plus abjecte? La raison est que cette pratique touche des individus très haut placés, qui contrôlent le réseau de prostitution enfantine et sont prêts à tout pour préserver leur impunité. Les scandales s'accumulent. Les affaires sont classées malgré les preuves et les témoignages. De toute évidence, les réseaux de la pédocriminalité sont protégés. Nous allons le voir, politiciens, magistrats, psychiatres et autres représentants du pouvoir défendent directement ou indirectement la pédomanie. Leur soutien constant envers les réseaux criminels confine à la complicité. Tous forment la mafia des pédomanes. À travers deux articles, nous allons aussi aborder la délicate question de l'homosexualité. Il n'est pas question de juger les tendances sexuelles des individus, mais de constater qu'objectivement, de nombreux homosexuels forment un lobby qui est à la pointe du combat pour légaliser la pédomanie. Ayant déjà franchi les barrières naturelles, les homosexuels sont les plus à même d'en franchir d'autres, surtout avec l'aide du puissant dragon de Sodome qui n'a pas l'intention de voir son terrain de chasse limité à des adultes consentants. Ce dossier doit réveiller la révolte dans nos cœurs, sans quoi la soumission aux diktats médiatiques, politiques et scientifiques du système nous mènera toujours plus bas, inexorablement, jusqu'au point de non-retour. Au nom de la tolérance et de l'ouverture d'esprit, l'homme moderne est prêt à tout accepter, y compris les pires crimes. Et vous, qu'êtes-vous prêt à accepter? 1. Une actualité brûlante. Les avancées du lobby pédomane. Contrairement à ce que les médias clament haut et fort, les pédomanes aujourd'hui ne sont guère ennuyés. Ils disposent de leur propre forum, une journée internationale leur est dédiée et des scientifiques les défendent. Faisons le point sur l'ambiance du moment si tolérante envers les pédomanes. Loin d'être honteux, le pédomane revendique de plus en plus sa pratique. Une journée internationale est même dédiée à ses penchants, l'International Love Boy Day, journée internationale de l'amour pour les garçons, pour les pédomanes attirés par les petits garçons, et l'International Love Elise Day, journée internationale de l'amour pour les filles, pour ceux préférant les petites filles. Ces rencontres furent créées en 1998 pour, nous dit-on, rendre honneur aux amoureux des garçons qui, dans leur quête d'amour et d'acceptation qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs, choisissent de défier les règles artificielles et malicieuses qui interdisent un tel amour. On reconnaît là la phraséologie classique des pédomanes qui aiment se faire passer pour des victimes du système. Ils disposent même de leur propre slogan et d'une véritable stratégie de communication. La pédomanie sur Internet. Les pédomanes disposent également de nombreux forums, francophones ou anglophones, sur lesquels ils se rassurent mutuellement de leurs penchants, sans guère de considération pour les enfants qu'ils voient comme des adultes dans un corps d'enfant. La notion de mineur, qu'ils souhaitent abolir, n'a pour eux aucun sens. Sur ces forums, les modérateurs sont très stricts et suppriment les messages appelant à commettre des actes sexuels sur des enfants ou comportant des liens vers des images d'abus sexuels sur des enfants. Mais il existe d'autres forums où l'accès est très restreint. Le pédomane y accède en envoyant un email au modérateur pour l'expliquer comment il vit sa pédomanie. L'un de ces forums comporte même une case dans laquelle le pédomane peut préciser à quel âge il trouve les petites filles particulièrement attirantes. Depuis quelques mois, un autre forum, par exemple, a mis en place un système d'hébergement sécurisé destiné aux sites et forums pédomanes. Ce forum, appelé WebBLE, s'adresse aux pédomanes francophones. On peut lire sur la page d'accueil « Web Bleu veut agir pour servir et améliorer la situation individuelle et collective des pédophiles et des pédérastes. » Web Bleu veut aussi favoriser une connaissance et une compréhension plus objective de la pédophilie afin que les pédophiles puissent participer à l'amélioration de leur société comme n'importe quel autre citoyen respectueux des lois de son pays. Les principaux objectifs de Web Bleu sont l'ouverture, le dialogue et la coopération avec les personnes non pédophiles, l'information, l'éducation et le débat au sujet de la pédophilie, la maîtrise des outils informatiques de communication et d'information, les services d'information, de soutien et d'entraide aux pédophiles, une perspective et une vision humaniste, éthique, historique, interculturelle et internationale. Des associations telles que les Amis de toutes les minorités sexuelles visent essentiellement à porter la parole des pédomanes dans l'espace public avec comme stratégie de 1. Minimiser l'impact des actes pédomanes sur les enfants. 2. Relativiser la notion de mineur et de minorité sexuelle pour abaisser l'âge légal. 3. Banaliser les propos à caractère pédomane. L'association a surtout pour but de protéger les transactions financières des pédomanes via des services confidentiels pour des, je cite, activités discrètes ou publiques. Ainsi, si vous êtes pédomane et que vous voulez organiser une rencontre ou recevoir un paiement, par exemple suite à un échange d'images pédomane, la plateforme de cette association vous assurera un minimum d'anonymat, et tout cela gratuitement en vertu du militantisme. Les pédomanes disposent également de leur propre magazine. Par exemple, Lolita Magazine, de sites œuvrant pour la légalisation des images de synthèse pédo-érotiques et de moult bibliothèques et boutiques en ligne vendant des articles frappés du logo des pédomanes. L'essai Confession d'un pédophile, l'impossible filtrage du web, nous apprend que le marché de la pédopornographie peut rapporter de très grosses sommes d'argent. Alors certains investissent de gros moyens dans les serveurs qui hébergent ces sites web pour pédomanes. Dans son essai, l'auteur explique: j'ai en ma possession les statistiques de consultation de l'année 2001, un site web qui contenait des photos d'enfants et d'adolescents nus. Durant le mois de juin, ce site a reçu 6,5 millions de visiteurs par jour. L'outil utilisé à l'époque ne permet pas de calculer le chiffre avec précision, mais selon mes estimations et compte tenu du très grand nombre de visiteurs récurrents, ce site a accueilli plus de 15 millions de visiteurs par mois durant l'année 2001. Nous n'étions alors qu'en 2001. Depuis, nombre de solutions ont été trouvées en matière de sécurité. Ainsi, l'utilisation de proxy, programme servant d'intermédiaire pour accéder à des sites web, est devenue monnaie courante chez les pédomanes, car ces programmes empêchent toute traçabilité. Les pédomanes sont donc très bien organisés. Et pour cause, beaucoup d'argent est en jeu. La propagande scientifique. On observe aujourd'hui une propagande dite scientifique selon laquelle les enfants s'épanouissent à travers la sexualité qu'ils partagent avec les adultes. Par exemple, le rapport rédigé par le docteur Robert Bozerman en 1998 sur les abus sexuels à l'encontre des enfants, rapport qui sert encore aujourd'hui de base d'argumentation à nombre de pédomanes. L'auteur affirme que les rapports sexuels avec les enfants ne sont pas systématiquement préjudiciables aux mineurs, surtout, dit-il, s'il s'agit d'un garçon. Un des objectifs majeurs de la propagande en faveur de la pédomanie consiste à minimiser les conséquences des actes sexuels commis sur des enfants. Si l'on en croit cette propagande, le viol d'un enfant n'engendre pas nécessairement de troubles chez la jeune victime, et si tel est le cas, ces troubles peuvent être bénins. D'autres études ne visent qu'à démontrer que les enfants ont une vie sexuelle, et les pédomanes peuvent alors affirmer qu'ils sont prêts à les guider dans leur vie sexuelle. En termes de propagande scientifique, on ne peut éviter d'aborder le SAP ou syndrome d'aliénation parentale, concept élaboré dans les années 80 par un ardent défenseur de la pédomanie, et en vertu duquel un juge peut déclarer qu'un enfant évoquant des abus sexuels commis par son père est nécessairement manipulé par sa mère. Alors, petite parenthèse, on se souvient du procès d'Outreau, où notre actuel ministre de la Justice, qui était avocat, avait osé dire que les enfants pouvaient, enfin, que les enfants, en l'occurrence, mentaient. Les agresseurs ont toujours intérêt à discréditer systématiquement la parole des enfants. Cela leur permet de poursuivre leurs exactions en toute impunité. Il y a moins de 10 ans, on avait déjà vu la déferlante des fausses allégations ou de faux souvenirs volés au secours de parents incestueux pour leur permettre de se laver des accusations formulées contre eux par leurs enfants. Aujourd'hui, la mode a changé. On ne parle plus tellement de fausses allégations, mais plutôt de syndrome d'aliénation parentale. Mais l'objectif reste le même: bâillonner les enfants, empêcher qu'ils s'expriment, qu'ils dénoncent ce qu'ils ont subi, et s'ils parviennent toutefois à parler, discréditer leurs témoignages. Richard Gardner, expert légiste et psychiatre américain, voit dans le syndrome d'aliénation parentale un désordre psychologique survenant chez l'enfant lorsqu'un parent, généralement la mère, le manipule pour le rendre hostile à l'autre parent. Pour soutenir sa théorie, Gardner a observé 700 cas de divorce hautement conflictuels sur une période de 12 ans et en a conclu qu'un très grand nombre de cas relèvent du syndrome d'aliénation parentale. 90% des cas, a-t-il d'abord affirmé, puis 40%. Beaucoup estiment que cette théorie ne repose sur aucun fondement scientifique, ce qui n'a pas empêché Gardner de publier moult essais sur le sujet. Aujourd'hui, même la Cour européenne des droits de l'homme se base sur cette théorie pour confier un enfant à l'un de ses parents. Même si clairement certains parents manipulent leurs enfants dans un but ou dans un autre, Gardner va très loin en affirmant qu'un enfant qui dénonce des abus sexuels lors d'un divorce ment la plupart du temps. Selon lui, les enfants ne souffriraient pas des abus sexuels, mais au contraire, avoir des relations sexuelles en étant jeunes favoriserait la procréation à l'âge adulte. Gardner a également milité pour que soit supprimée l'obligation de signaler les agressions sexuelles sur les mineurs. Disciple de Gardner, le psychologue Ralph Unterweger, autre ardent défenseur de la pédomanie, a déclaré à un journaliste hollandais que, je cite, les pédophiles doivent acquérir une attitude plus positive. Ils doivent revendiquer la pédophilie comme mode d'expression acceptable de la volonté divine d'amour et d'unité entre tous les êtres humains. C'est grave. Une Unterweger estime qu'il faut limiter les moyens d'action attribués au service de protection de l'enfance. Son adage, il est préférable qu'un millier d'enfants dans des situations d'abus ne soient pas découverts, qu'une personne innocente soit condamnée par erreur. Autre disciple de Gardner, Hubert van Gijsekem, psychologue et expert auprès des tribunaux, qui a introduit la théorie du syndrome d'aliénation parentale en Belgique, en Suisse et en France, par le biais de formations destinées aux magistrats et professionnels de l'enfance. Selon lui, ce syndrome doit être intégré à la liste officielle des maladies mentales. La propagande médiatique. Il existait jusqu'à récemment un parti pédomane aux Pays-Bas, le Parti de la Charité, de la Liberté et de la Diversité, PNVD, créé en 2006 par une association pédomane appelée Martyrn et dont le fondateur fut arrêté en 2011 pour recel de matériel pédopornographique. Bien que l'association se soit ensuite dissoute d'elle-même, il semble que la justice n'ait pu la rendre légale. L'une des revendications de ce parti était d'abaisser la majorité sexuelle à 12 ans. Les enfants pourraient ainsi avoir des rapports sexuels avec des adultes, tourner dans des films pornographiques et se prostituer dès 16 ans. Le parti demandait également que des films pornographiques puissent être diffusés à la télévision l'après-midi. Tout cela au nom de la liberté individuelle. Les actions de lobbying en faveur de la pédomanie sont légion. L'association pédomane la plus puissante est la North American Man Boy Love Association, association nord-américaine pour l'amour entre les hommes et les garçons. Alors, petite parenthèse, sur le site web, on a bien le symbole de l'arc-en-ciel, créé à la fin des années 70 aux États-Unis. Si l'association elle-même n'a jamais été poursuivie en justice, certains de ses membres le furent pour pédomanie ou détention d'images pédomanes. L'association est à l'origine de la journée de la fierté pédomane, l'International Love Boy Day, citée plus haut. Au niveau international, citons l'International Pedophile and Child Emancipation, émancipation internationale des pédophiles et des enfants, qui chapeaute plusieurs associations à travers le monde. La propagande judiciaire. Sur le plan judiciaire, les pédomanes s'efforcent de redéfinir la notion de minorité sexuelle. En droit, un mineur ne peut être consentant puisque considéré comme directement influencé par son environnement immédiat. La justice estime impossible qu'un enfant accepte d'avoir un rapport sexuel avec un adulte. Logique, l'enfant, ignorant ce qu'est un rapport sexuel, ne peut accepter un tel rapport en connaissance de cause. Et lorsque cela se produit, alors c'est que son milieu ne l'a pas protégé. Toutefois, cette notion de minorité est de plus en plus attaquée. Elle le fut notamment sous le gouvernement Sarkozy, qui n'a eu de cesse de nier la notion de minorité en cherchant à ce que la personne soit pénalement responsable de plus en plus jeune. Enfin, les assauts portés contre la majorité sexuelle furent soutenus dans les années 70 par des pétitions que publia le journal Libération et d'autres journaux. Ainsi, en 1977, est publiée une pétition demandant au Parlement d'abroger différents articles de la loi sur la majorité sexuelle et appelant à dépénaliser toute relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. La pétition reçoit la signature de personnalités en vue telles que Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Guy Hockenheim, Jacques Derrida, André Glucksmann, Roland Barthes, Françoise Dolto ou Philippe Solers. La même année, le journal Le Monde publie une lettre ouverte appelant à la clémence envers trois violeurs de mineurs pédomanes ayant photographié leurs actes. Mais l'horreur absolue est atteinte en 1979 lorsque le journal Libération publie un entretien pleine page et sur 2 jours de Jacques Duguay, violeur d'enfants et de ses propres enfants, que le journal ne manque pas de louer pour sa franchise quant à la sodomie. Libération se montre étrangement conciliant avec ce personnage qui évolue, je cite, dans l'univers des couples échangistes qui se passent des photos d'enfants, à des thèses sur la pédophilie et défend la sodomie pratiquée sur des enfants. Et défend, voilà. Accessoirement, cet éducateur sportif était poursuivi pour avoir livré des enfants à la prostitution et abusé d'eux. Il avait déjà été condamné 3 fois pour atteinte aux mœurs sur mineurs en 1981 et 1983. En 1990, il avait été condamné à 8 ans de prison. Jacques Duguay affirme que les lois de protection des enfants vont contre leurs désirs et font souffrir les adultes. Ainsi, il déclare: tous les garçons que j'ai connus m'ont aimé. Ils ont toujours aimé et voulu tout ce que nous avons fait. Il évoque ensuite son entourage, tels ses couples avec enfants qui sont comme moi et qui vivent très heureux parce que justement chez eux, le sexe n'est pas tabou, mais au contraire une belle et saine chose. Ou ce couple dont le mari faisait l'amour avec sa femme, mais aussi avec les garçons, et surtout avec celui de 11 ans, dans le lit conjugal, tout en précisant que l'enfant avait le droit d'être sodomisé et qu'il demandait de lui-même la sodomisation et y prenait un réel plaisir, physique mais aussi affectif. En 2002, à la cour d'assises de Chambéry, ledit Duguay fut à nouveau condamné par la justice, 30 ans de prison, pour avoir abusé de jeunes garçons dont il avait violé le père lorsque celui-ci était enfant, et s'être livré à un trafic d'images pédomanes. Une évolution inquiétante. Les tendances pro-pédomanie caractéristiques des années 70 refont surface aujourd'hui dans certains discours, formations ou conférences. Des associations se font les chantres du syndrome d'aliénation parentale auprès des professionnels de l'enfance qui assistent aux conférences qu'elles organisent et auxquelles participent nombre d'intervenants, psychiatres, médecins, juges, etc. Des psychiatres font également de ce syndrome leur fonds de commerce et sont parfois experts auprès des tribunaux. Les milieux pédomanes font également grand cas des fausses allégations, à l'instar de Paul Bensussan, qui a contribué à un documentaire destiné aux professionnels de l'enfance et intitulé Fausses allégations d'abus sexuels, une autre forme de maltraitance. Toutes ces théories ont pour point commun qu'elles relativisent, voire nient, la parole des enfants. Autre arme utilisée allègrement par les pédomanes, le syndrome des faux souvenirs, qui se prête particulièrement aux cas d'abus sexuels sur enfants. Pourtant, il est établi que la plupart des victimes ont plutôt tendance à oublier les dits souvenirs. Ce sont les Américains qui, les premiers, évoquèrent, dans les années 80, la théorie dite des faux souvenirs. En 1992, Ralph Unterweger, entre autres, crée la False Memory Syndrome Foundation, fondation du syndrome des faux souvenirs. C'est à ce psychologue américain que nous devons le concept des faux souvenirs. Quel hasard que les théories en vogue qui dédouanent les pires pédomanes soient justement l'invention de pédomanes notoires. Les pédomanes réclament les mêmes droits que les homosexuels. Aux États-Unis et au Canada, les pédomanes commencent à réclamer un statut similaire à celui des homosexuels, en alléguant que leur attirance pour les enfants est une orientation sexuelle en soi. Les opposants aux mœurs homosexuelles ont longtemps affirmé qu'une fois l'homosexualité acceptée comme simple orientation sexuelle, logiquement plus rien ne serait interdit. Les partisans des gays se sont offensés d'une telle position en affirmant que cela n'arriverait jamais. Des psychiatres commencent pourtant à prendre parti pour une nouvelle définition de la pédophilie, comme cela fut fait pour l'homosexualité il y a plusieurs années. Déjà en 1998, l'Association américaine de psychiatrie, APA, avait publié un rapport prétendant que le potentiel négatif de relations sexuelles adulte-enfant était exagéré et qu'une majorité d'hommes et de femmes n'avaient rapporté aucun effet sexuel négatif au travers d'expériences d'abus sexuels pendant l'enfance. Mais cela n'a pas suffi au lobby pédomane. En 2011, à Baltimore, des chercheurs issus de différents milieux universitaires américains se sont rencontrés lors d'un symposium afin de trouver un moyen de légaliser la pédomanie. Ces savants cherchent à convaincre l'APA de supprimer la pédomanie de la liste officielle des maladies mentales, comme cela fut fait pour l'homosexualité en 1973. L'organisateur de cette rencontre est un groupe de militants pédomanes, le B4U ACT, association américaine œuvrant pour une collaboration entre professionnels de la santé et pédomanes. Celle-ci regroupe des psychiatres contestant le fait que les penchants sexuels d'adultes pour des enfants relèvent d'un trouble psychique devant être soigné. Howard Klein, responsable du B4U Act, a critiqué en juillet 2011 la définition de la pédomanie formulée par l'APA, affirmant que les critères sur lesquels repose la classification de ce penchant sont, je cite, « inappropriés et sans aucun fondement scientifique ». En outre, selon lui, les traitements proposés aux pédomanes sont inappropriés. Klein a proposé que son organisation aide l'APA à changer la classification de la pédomanie. Le B4U Act considère la pédomanie comme une simple orientation sexuelle, de même que l'homosexualité, et condamne la stigmatisation dont elle est l'objet. Nul ne décide de ses penchants sexuels pour les enfants. La cause en est inconnue. En réalité, nul ne connaît non plus les causes des penchants sexuels pour les adultes, assurent les militants de la légalisation de la pédomanie. Quasi-légalisation aux États-Unis. La pédomanie bénéficie d'un statut particulier aux États-Unis depuis que la loi Matthew Shepard et James Byrd Jr. sur la prévention des crimes haineux, Hate Crime Prevention Act, répertorie les personnes ayant une orientation sexuelle particulière comme une catégorie de personnes protégées. Elle n'en définit pas pour autant le terme d'orientation sexuelle. Lorsque cette loi a été présentée au Congrès américain en 2009, le Parti républicain a tenté d'ajouter un amendement spécifiant que la pédophilie n'est pas considérée comme une orientation. L'amendement a cependant été rejeté par les démocrates et Barack Obama. Selon le démocrate Alcee Hastings, tout mode de vie sexuel différent doit être protégé par la loi. Cette loi démontre notre résolution à mettre fin à la violence basée sur des préjugés et pour garantir que tout Américain, quelle que soit sa race, sa religion, son sexe et son orientation sexuelle, puisse être libre de vivre tel qu'il est. La Maison-Blanche a appuyé la loi en précisant qu'il est important d'accepter nos différences plutôt que de leur permettre de devenir une source d'animosité. Des lois protégeant les enfants ont été contestées dans plusieurs États américains dont la Californie, la Géorgie et l'Iowa. Les pédomanes prétendent que les lois qui les empêchent de vivre auprès des écoles ou des parcs sont injustes. Selon Linda Harvey de Mission America, la pression en faveur du droit pour les pédomanes va devenir de plus en plus forte car les groupes homo et transsexuels continuent à appuyer leurs revendications. Tout cela fait partie d'un plan pour inciter à la sexualité des enfants de plus en plus jeunes. Ces groupes cherchent notamment à convaincre que l'amitié que peut ressentir un enfant pour une autre personne est en réalité une attirance sexuelle. Au Canada et ailleurs. Au début de l'année 2012, deux psychologues canadiens ont déclaré que la pédomanie est une orientation sexuelle exactement comme l'homosexualité ou l'hétérosexualité. Von Giersheghem, psychologue et ancien professeur à l'Université de Montréal, a déclaré aux membres du Parlement « Les pédophiles ne sont pas simplement des gens qui commettent un petit délit de temps en temps. Ils sont en proie à ce qui équivaut à une orientation sexuelle exactement comme un autre individu peut être en proie à son homosexualité. » Il a poursuivi en affirmant « Les vrais pédophiles ont une préférence exclusive pour les enfants, ce qui revient au même que d'avoir une orientation sexuelle. On ne peut changer l'orientation sexuelle de cette personne. Elle peut cependant rester abstinente. » Quand on lui a demandé s'il comparait les pédophiles et les homosexuels, Von Giersheghem a répondu « Si nous vivions dans une société où l'hétérosexualité était interdite et qu'on vous disait que vous devez faire une thérapie pour changer votre orientation sexuelle, vous penseriez probablement que c'est un peu dingue. En d'autres mots, vous n'accepteriez pas du tout. J'utilise cette analogie pour vous dire qu'en effet, les pédophiles ne changent pas leur orientation sexuelle. » Le docteur Kinsey, professeur émérite de psychologie à l'université de Queen à Kingston dans l'Ontario, est d'accord avec Von Giersheghem. Selon lui, il n'y a aucune preuve que ce type de préférence sexuelle puisse être changé par un traitement ou quoi que ce soit d'autre. Milton Diamond, professeur à l'université d'Hawaï et directeur de l'Institut Sexe et Société, a déclaré quant à lui que la pornographie infantile pouvait être bénéfique à la société, car les délinquants sexuels potentiels utilisent la pornographie infantile comme un substitut à des relations sexuelles pédophiles. Il a établi sur son site une liste de droits sexuels parmi lesquels se trouve le droit de s'engager dans des actes sexuels, quels qu'ils soient, tant qu'ils sont faits avec le consentement de l'autre. Un autre droit est celui de vivre sans persécution ou discrimination selon son comportement sexuel personnel et avec une liberté de pensée, de fantasme ou de désir total en ce qui concerne l'orientation sexuelle. Jack Minor, Northern Colorado Gazette. L'éducation sexuelle de l'homme nouveau. À Berlin, la propagande des révolutionnaires homosexuels et pédomanes est à l'avant-garde. L'éducation sexuelle n'est plus ce qu'elle était. Les élèves de l'école primaire doivent apprendre que la famille traditionnelle est dépassée et qu'on doit choisir son propre sexe selon ses goûts. L'homosexualité est suscitée par des jeux de rôle, la sexualité infantile réveillée par des chansons et la pédomanie clairement encouragée. Dans les écoles primaires de Berlin, on s'apprête à précipiter les élèves dans les abîmes de la sexualité du monde des adultes. La mallette pédagogique, créée par la soi-disant Bildungsinitiative Queer, à l'initiative de l'administration du Sénat, comporte 25 manuels, jeux et disques audio. Elle est supposée transmettre une image plus variée de la famille. Dans cette perspective, il s'agit tout d'abord de discréditer la famille traditionnelle. Ainsi, on lit dans l'un des manuels: il y a très longtemps, la plupart des familles se présentaient dans les livres selon le modèle que voilà. Un papa, un maman, un petit garçon et une petite fille. Ce ne serait donc plus le cas aujourd'hui? La mallette comporte un manuel particulièrement amusant. À la manière des frères Grimm, on raconte l'histoire d'un prince héritier qui doit se marier. On recherche donc une princesse. Mais aucune ne plaît au prince héritier. Les prétendantes les plus diverses se présentent sans succès. Ni celle du Texas, ni celle du Groenland, ni celle de l'Inde. Puis c'est la princesse Liebegunde qui se présente. En vain également. Finalement, le prince héritier désireux de se marier tombe amoureux du frère de la princesse Liebegunde, le prince Erlich, le Magnifique. Un mariage somptueux est organisé. Le roi et l'autre roi règnent ensemble sur le pays. Le message? L'hétérosexualité s'est dépassée. Un autre manuel explique aux élèves de première année comment s'effectue la reproduction au sein d'un couple homosexuel. Puisque deux femmes ne peuvent avoir d'enfants, elles s'adressent à Stéphane. Stéphane est homosexuel. À ce stade, on introduit naturellement la fécondation artificielle, un procédé que doivent également connaître les enfants. Le médecin implanta son sperme dans le ventre de maman. L'école des diversités. Cette trans et homosexualisation des élèves berlinois de premier cycle relève d'un nouveau projet. On met à disposition des enseignants du matériel pédagogique et une assistance leur est offerte en vue d'établir des contacts avec les milieux homosexuels locaux. Les enseignants sont encouragés à inviter en classe des responsables de projets lesbiens et gays et à organiser des projections de films dans les écoles. Quant à l'enseignement, on propose que les enfants miment un orgasme ou une masturbation, naturellement devant toute la classe. Les élèves du secondaire sont encouragés à jouer des scènes de sadomasochisme. Dans des scènes improvisées, on joue le coming out où l'adolescent confesse son homosexualité à la famille réunie à la table du dîner. Alors, petite parenthèse, moi je me souviens que au collège déjà, de la toute fin des années 90 jusqu'au début des années 2000, donc c'était il n'y a pas si longtemps, mais quand même, je me souviens qu'on monopolisait des cours de SVT, entre autres, et la professeure, oui, non seulement faisait venir une fille comme ça, qui faisait mettre un préservatif sur un pénis en plastique, bon, très bien. Mais je me souviens que ça allait plus loin que ça, que la prof demandait comme ça à une élève fille, tiens, un orgasme par exemple, c'est quoi? Vas-y, machine. Je me souviens que la fille était rouge. Et la professeure, je me souviens qu'elle disait, bah, qu'est-ce qu'il y a? Ça a l'air de te poser problème, etc. Ce qui est terrible, là c'est un viol de conscience, hein, c'est que l'élève en question, pour ne pas sembler, comment dire, c'est même pas has-been, mais pour être conforme à ce qu'elle s'imagine qu'on attend d'elle, l'a fait. L'a fait. Alors ensuite, il y a eu plein d'éclats de rire, etc., parce qu'il y avait la libération d'une pression à l'intérieur d'elle. Mais vous imaginez le viol psychique que c'est? Et par ailleurs, je me souviens très bien que une autre prof de SVT que j'avais ma dernière année de collège, on avait organisé un voyage scolaire, etc., avec toutes les classes. Et je me souviens nettement que il y avait une des profs de SVT qui avait donné le message à mes copains et copines pour danser avec elle. Pour danser avec elle, moi je devais avoir, je sais pas moi, 15 ans. Elle devait en avoir 50 et quelques. Mais alors, j'avais accepté parce que je voulais pas lui faire de la peine. Elle était comme une adolescente, quoi. Comme une adolescente. Alors, c'est pas bien méchant en soi. Et encore, je suis un garçon, c'est pas. Enfin, on peut toujours se défendre au pire. Mais ça veut bien dire que, quand même, dans l'éducation nationale, il y a. Enfin, je veux dire, c'est pas sain tout ça. Hein. Il y a un gros, gros problème. Et par contre, on s'arrange pour ne taper exclusivement que sur les pédophiles de l'Église catholique, naturellement, hein, comme s'il n'y en avait pas ailleurs. Et comme ça laisse libre cours à tous ceux qui sont dans l'éducation nationale. Je pense aux profs de sport aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'étais dans un collège où, comment dire, il y avait un niveau d'excellence, quoi, bien sûr. Il y avait beaucoup de profs agrégés, mais à 80%, c'était des profs en fin de carrière, reclassés, dégagés systématiquement d'autres établissements, juste mutés pour divers condamnés, enfin, comment dire, même pas forcément condamnation d'ailleurs, pour divers faits établis. Et je me souviens, c'était toujours nébuleux, hein, quand on était jeune, etc. Je me disais, oui, mais mes parents m'ont dit qu'un tel, il avait été muté pour ceci, pour cela. Et c'est extrêmement fréquent. Et donc, ils utilisent la technique de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire. Non, non, non, mais c'est l'Église catholique, hein, voilà. Allez voir par là, puis nous, on va continuer par là. Voilà, fin de la parenthèse. Dans des scènes improvisées, on joue le coming out où l'adolescent confesse son homosexualité à la famille réunie à la table du dîner. Pour les petits de la maternelle aussi, une mallette pédagogique est prévue. Berlin étant à l'avant-garde, la ville est prête à tenter l'expérience. La campagne s'est fixée comme objectif, sous le joli slogan de l'école des diversités, de remettre en question aussi bien la structure traditionnelle de la famille que la sexualité basée sur le couple homme-femme comme norme sociale. Cette réorientation a pour formule magique l'expression gender mainstream, difficile à traduire, qui signifie que le sexe biologique, sexe en anglais, n'a rien à voir avec le sexe social, gender en anglais, et qu'on peut le changer selon son goût. Ce qui importe ici, c'est que les enfants ne sachent pas s'ils sont masculins ou féminins. Une fois à l'âge de l'adolescence, ils pourront choisir consciemment une identité sexuelle comme l'on choisit sa religion. Voilà le discours de Connie Kempe-Schellicke à l'origine de la mallette pédagogique. Ainsi sont élaborés toutes sortes de matériaux d'information. Un véritable chef-d'œuvre est le cahier de chansons destiné aux classes de maternelle et intitulé Nase, Bauch und Po, nez, ventre et derrière. On y lit par exemple. Nous avons un vagin puisque nous sommes des jeunes filles. Il se trouve sous le ventre, entre mes jambes. Il n'est pas seulement là pour faire pipi, et si je le touche, il me donne des délicieux frissons. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux dire arrête, ou encore une fois de la même façon, ou je n'aime pas ça, ou j'aime bien, ou ah, continue. Un manuel destiné aux parents et abordant la formation sexuelle de l'enfant âgé de 1 à 3 ans conseille aux parents de chatouiller et de caresser leurs enfants en les lavant entre les jambes. À la page 27, on déplore que le vagin, et notamment le clitoris, ne rencontrent généralement que peu d'attention. On, y compris le père et la mère, évite de les nommer et de les toucher tendrement, ce qui rend difficile pour la jeune fille de développer une fierté par rapport à son sexe. Et à la page 13, les auteurs se félicitent tout particulièrement de ce que ce manuel soit lu et mis en pratique également par des pères, des oncles, des grands-mères et des nourrices. L'homme nouveau. L'Union européenne œuvre activement pour que l'homme nouveau s'impose. Il ne pourrait en être autrement. Le Parlement européen se fixe comme but, dans son arrêt B6-0025/2006 du 18 janvier 2006, d'éradiquer l'homophobie, c'est-à-dire le refoulement des relations homosexuelles. Le terme homophobie seul implique déjà un déséquilibre mental maladif nécessitant une thérapie. Le terme éradiquer, quant à lui, en dit long sur cette campagne qui n'hésitera pas à briser toute opposition en recourant si nécessaire à la répression et à la violence. Au XXe siècle, les régimes totalitaires ont réalisé leur idéologie avec la brutalité la plus manifeste pour parvenir à leur homme nouveau. Aujourd'hui, la violence n'est plus nécessaire. La rééducation en vue de créer l'homme nouveau est à l'ordre du jour et avance grâce à d'insidieux moyens. Les élites se disent, pourquoi opprimer les hommes? Car cela n'aboutira qu'à la révolte. Mieux vaut qu'ils soient submergés par leur avidité et leur pulsion sexuelle. Mieux vaut les rendre fous au point qu'ils ne sachent s'ils sont des hommes ou des femmes. Ainsi, ils ne trouveront plus l'occasion de réfléchir. Ils seront des esclaves reconnaissants. Joséphine Bartel, magazine Compact, septembre 2011. 2. Les origines. Freud, les raisons du succès. Aujourd'hui, le monde entier connaît les théories psychologiques de Freud, au moins dans ses rudiments. La notion d'inconscient en tant que source de toutes les pulsions a véritablement structuré tout le développement de la psychologie au cours du XXe siècle. Mais pourquoi ces théories furent-elles choisies alors qu'il existait à cette époque des dizaines d'autres théories concurrentes sur la psychologie humaine? Sigmund Freud était prêt à tout pour réussir à imposer sa vision malade du monde. Il fut d'abord cocaïnomane et s'évertua à promouvoir la cocaïne comme panacée universelle. Devant les effets secondaires dévastateurs de son médicament, le bon docteur Freud se rabattit alors sur l'étude de l'hystérie pour élaborer ses théories. Nous savons aujourd'hui que toutes les hystéries de la bonne société viennoise que Freud avait analysées, toutes ces femmes donc avaient été abusées lorsqu'elles étaient enfants. Freud a toujours caché ce fait, les considérant comme des cas d'études normaux. Quel fut le résultat? Un grand nombre de pathologies qui sont en réalité des conséquences directes de ces abus sont présentées aujourd'hui comme intrinsèques au comportement humain. Par exemple, si les femmes démontrent un comportement hystérique, c'est dans leur nature même et non pas à cause des violences qu'elles ont pu subir. Nous allons voir dans la suite de ce dossier que cette tendance à incriminer la victime plutôt que le bourreau aura d'innombrables conséquences et qu'on la retrouvera à la base de toute une série de théories erronées. Comment cette curieuse et anormale vision du psychisme humain a-t-elle pu s'imposer à l'ensemble de la planète? Nous savons que Freud fut puissamment soutenu par les loges maçonniques juives du Bnaï Brith, auxquelles il appartenait. Mais pourquoi ces loges manifestèrent-elles un tel intérêt pour les théories du docteur? Le médecin Patrick Dupuy, auteur d'un essai non édité intitulé La violence initiale, affirme que l'intérêt principal des théories freudiennes était de cacher les abus sexuels dont étaient et sont toujours victimes un grand nombre d'enfants. Au fil des années de pratique thérapeutique et devant l'ampleur du phénomène, Patrick Dupuy cessa d'attribuer les comportements pathologiques de ses patients à des désirs pervers cachés, refoulés et inavouables, mais à des souffrances infantiles couvertes par la loi du silence. Il fallait pour cela renoncer au mythe de l'inconscience. Donnons-lui la parole. Alors, petite parenthèse avant de lire l'entretien, c'est totalement vrai. Moi, j'ai connu deux femmes qui avaient été abusées quand elles étaient enfants, et elles sont très branchées sexe parce que c'est ce qu'elles ont connu. Parce que elles savent faire bien plus de choses à leur âge que les autres, et parce que, comment dire, elles ont grandi dans un environnement où c'était normal. Enfin, où on fait passer ça pour normal, puisque les parents eux-mêmes ont vécu ça quand. Donc, ils reproduisent de génération en génération ce qu'ils ont connu. C'est ça qui est terrible. Donc, effectivement, après, les pédos se servent de ça pour dire, mais regardez, il ou elle ne dit pas non, et même il parle de ça volontiers. Mais parce que le viol psychique, il est à la base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la première fois que c'est d'une violence inouïe. Et après, en fait, l'enfant, il intègre ça, puisque le cerveau est fait de telle manière à ce qu'on puisse résister aux pires atrocités. Et là, le cerveau va simplement, en fait, mettre des choses sous silence, va se mettre en veille ou va minimiser les faits pour pouvoir survivre, en fait, tout simplement. Et ce qui est très grave, c'est qu'on se base sur ça pour dire non, il ou elle n'a pas dit non, vous voyez, il parle souvent de. Mais moi, je sentais qu'il y avait une vraie souffrance. Enfin, plus qu'une souffrance. Et pourtant, ces femmes-là ou ces hommes-là parlent plus de sexe de la moyenne parce que ils ont vécu ça très tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Fin de la parenthèse. Docteur Dupuy, dans vos écrits, vous en prenez violemment aux théories de Freud. Vous attaquez la psychanalyse que vous qualifiez de pseudo-science. Vous allez jusqu'à parler de dictature freudienne dont il est urgent de sortir. Pouvez-vous vous en expliquer? La psychanalyse, telle qu'elle s'est développée depuis un siècle, est une pensée unique qui ne supporte pas la contradiction, parce qu'elle a pour fonction d'interdire l'accès d'une vérité qui dérange, celle de l'abus sexuel des enfants. Freud s'est rétracté aussitôt après avoir touché du doigt cette vérité, celle de la causalité de l'inceste et de l'abus sexuel subi par les enfants sur la pathologie mentale de l'adulte. Il a donc créé de toutes pièces une construction mythique qu'il a érigée en théorie scientifique, la théorie du complexe d'Œdipe, qui inverse tout simplement la vérité en retournant la perversité sexuelle incestueuse sur l'enfant lui-même et en niant au passage la réalité des faits d'abus sexuels qu'il qualifie d'affabulation ou de fantasme. Vous mentionnez que l'abus sexuel avait bien été identifié par Freud au début de ses recherches comme la source des psychopathologies, jusqu'à ce qu'il se rétracte pour élaborer la théorie qu'on connaît. Quant à lui, son étude sur l'hystérie, publiée en 1896, qui décrit avec précision le mécanisme de transmission et de répétition de la violence sexuelle, on peut lui en vouloir d'avoir lâché brutalement une théorie vraie au profit d'un mensonge qui a arrangé tout le monde et qui a duré plus d'un siècle, retardant d'autant la possibilité de soigner efficacement la maladie mentale et d'éradiquer la perversion sexuelle, en particulier celle qui détruit des enfants dès leur plus jeune âge. Pensez-vous que la théorie freudienne ait joué un rôle dans les comportements apparus dans les années 70 au nom d'une certaine libération sexuelle? La pseudo-libération sexuelle de 68 a plutôt été une désinhibition de la perversion sexuelle sous des formes multiples, incluant la pédophilie. Dans leur livre Le nouveau désordre amoureux, Bruckner et Finkielkraut considèrent cette pratique comme une fantaisie sexuelle que l'on doit pouvoir s'autoriser. Qu'est-ce qui permet d'affirmer aujourd'hui que la parole des enfants n'est pas écoutée? Il semble au contraire qu'on les écoute beaucoup plus depuis une dizaine d'années, avec le scandale Dutroux notamment. Depuis qu'a commencé ce grand déballage, peut-on considérer que la doctrine freudienne continue à occulter la vérité sur les abus? Il y a un énorme décalage entre le public, en grande partie convaincu de la réalité des faits pour l'avoir vécu lui-même, et les lobbies des professionnels de la psychiatrie, de la justice, de la politique, qui s'entêtent à nier la réalité de ces faits pour maintenir en place un système pourtant totalement défaillant dont ils sont partie prenante. Si cette théorie est aussi inepte que vous le dites, comment a-t-elle pu perdurer depuis plus d'un siècle? Il est facile de comprendre pourquoi une théorie aussi inepte et invraisemblable que la théorie dite de l'inconscient a réussi à se maintenir envers et contre tout pendant plus d'un siècle. La seule et unique fonction de cette théorie freudienne était de reporter les fantasmes incestueux sur l'enfant lui-même et de déclarer fausses les allégations d'abus sexuels faites par les enfants. Ce faisant, la théorie freudienne a été et reste encore aujourd'hui une thèse négationniste à l'égard d'un crime contre l'humanité qui est perpétré depuis la nuit des temps et continue de l'être dans le secret des demeures familiales, causant des ravages et des dégâts considérables sur des familles entières, souvent à travers plusieurs générations. C'est précisément cette fonction de déni de la réalité des abus sexuels qui fait que cette thèse a pu tenir aussi longtemps, car c'est une fonction socialement utile qui évite la remise en cause de tout le système. L'atrocité des expériences auxquelles nombre d'enfants sont confrontés est de l'ordre de l'impensable et demeure dans ce que vous appelez l'impensé. Ces événements ne peuvent être racontés, mais uniquement surgir à la conscience à travers des flashs. Dans cette mesure, comment y avez-vous accès dans le cadre de votre approche thérapeutique? À partir du moment où un patient se sent en confiance, sent qu'il va être écouté et cru, sans aucun jugement, il se met à parler et à dire ce qui lui est arrivé. À partir des seuls symptômes, le thérapeute peut déjà pressentir ce qui s'est passé, car il y a des indices qui ne trompent pas. Mais le récit même très partiel des événements par le patient est un moment crucial dans la thérapie. Le fait d'identifier avec précision l'origine événementielle, traumatique, des émotions négatives avec lesquelles il se débat sans savoir pourquoi, la peur, la honte et la culpabilité en ce qui concerne l'inhibé et le phobique, la colère et la haine pour le psychopathe, le pervers et le criminel, a pour effet de désamorcer ses émotions négatives, ou tout au moins de lui faire reprendre le contrôle de celles-ci, ce qui procure un apaisement psychique considérable. Au final, le patient retrouve l'insouciance originelle d'avant le traumatisme, cette insouciance qui fait la richesse de l'enfance, qu'on lui avait volée ou arrachée de force. Toutefois, on ne peut jamais parler de guérison. On ne guérit, hélas, jamais complètement d'un traumatisme infantile. On apprend à vivre avec la fragilité et la vulnérabilité, car on les maîtrise mieux alors. Concrètement, à partir d'un exemple précis, pouvez-vous nous expliquer comment se développe une psychopathologie ou une somatisation issue d'un inceste ou d'une violence sexuelle? L'exemple le plus classique chez la femme est l'inhibition au plaisir consécutive à un abus. Ces femmes, habituellement étiquetées hystériques, souffrent le plus souvent d'un paradoxe comportemental qui est fait d'une compulsion sexuelle associée à une incapacité à ressentir du plaisir avec un partenaire. C'est le cas typique de l'allumeuse frigide. Ici, le logiciel mental envoie un ordre de ne pas jouir, de ne pas se laisser faire par l'autre, et cela en réparation de l'abus subi. Mais en même temps, il impulse l'ordre de séduire activement pour ne plus subir la séduction forcée. Parfois, ce même logiciel prescrit au plaisir de s'inverser en douleur ou encore d'inverser la séduction compulsive en répulsion systématique ou en dégoût sexuel. Comme vous voyez, les abus sexuels commis sur des mineurs laissent de profondes traces. On est loin des discours pro-pédophiles qui voudraient faire croire que l'enfant peut épanouir sa sexualité grâce aux pédophiles. Vous affirmez que, contrairement à ce que Freud a voulu nous faire croire, l'enfant ne peut imaginer ni inventer l'horreur. Dans ce cas, comment expliquer l'affaire Dutroux, lors de laquelle la justice a établi que les enfants avaient fait des faux témoignages? Aucun enfant d'Dutroux n'a menti. Ce sont les adultes qui ont menti. Et on s'aperçoit 10 ans plus tard que ceux qui ont été soi-disant innocentés n'étaient peut-être pas si innocents que ça. L'affaire d'Outreau est utilisée comme alibi par tous les pédophiles qui peuvent maintenant s'exclamer en chœur avec Freud: les enfants sont des menteurs, ils affabulent, ils inventent tout. Un enfant de 6 ou 7 ans ne peut pas inventer un abus sexuel, parce qu'il ne peut pas, même pas imaginer que ça existe. On évoque souvent la possibilité que les récits des enfants ou des adultes soient le produit de faux souvenirs. Qu'en pensez-vous? Le faux souvenir est un concept inventé de toutes pièces aux États-Unis, en 1992, par des parents accusés par leur fille d'inceste paternel. Il y avait à l'époque une grosse vague de dénonciations de crimes sexuels sur les enfants, et cette déferlante a dû effrayer les prédateurs sexuels. Pour stopper ça, ces derniers ont créé la False Memory Syndrome Foundation, organisme chargé de décrédibiliser la parole de l'enfant. Les faux souvenirs, ou souvenirs induits par le thérapeute, concernant des actes pédophiles, n'existent tout simplement pas. Il est impossible d'inventer ou d'imaginer de telles horreurs. Qu'en est-il des abus rituels? En avez-vous entendu parler dans votre cabinet? À côté de la pédophilie domestique, il existe une pédocriminalité organisée en réseau, encore plus occultée et protégée que la première, qui atteint le fond de l'horreur avec les réseaux satanistes. Ici, la répétition de la perversion et de la violence prend une forme extrême. En 2006, j'ai eu comme patiente une jeune femme rescapée d'un réseau sataniste pratiquant ces monstruosités dans lesquelles sont impliqués des notables, hommes politiques, magistrats, hommes d'affaires, ecclésiastiques, etc. Cette jeune femme a eu le courage de porter l'affaire devant la justice, de donner des noms de personnalités connues. Elle a été expertisée par une psychologue qui affirmait qu'elle souffrait de psychoses délirantes. Son témoignage est pourtant parfaitement crédible. Il recoupe d'autres témoignages, comme celui de ses deux enfants ayant assisté à des rituels satanistes à Paris et qui figurent dans le documentaire d'Élise Lucet, Viol d'enfant, la fin du silence, et dans le livre de Regina Louf, Silence, on tue des enfants. Alors, petite parenthèse, Carl Zéro, avec son documentaire 1 sur 5, il a réussi à débloquer des extraits de Viol d'enfant, la fin du silence, puisqu'il avait participé aussi au documentaire. Il y a une évidente collusion entre le pouvoir politique et la justice pour étouffer ce genre d'affaires, vu l'implication de nombreuses personnalités haut placées. Vous n'hésitez pas à dire que Derrida, Lacan, Einstein, Claude Lévi-Strauss se sont eux aussi trompés. Est-ce la raison pour laquelle vous rencontrez des difficultés à vous faire éditer? Ce que je reproche aux penseurs modernes, c'est de passer leur temps à commenter à l'infini les productions intellectuelles des autres, sans jamais se demander à quel problème, ou plutôt à quelle souffrance humaine véritable, tout cela renvoie. Les psychanalystes et les psychiatres savent la vérité pour la plupart, mais manquent de courage pour dénoncer les faits et pour changer la théorie. La plupart sont empêtrés dans leur propre histoire. Quant aux philosophes et aux chercheurs en sciences humaines, ils ont en commun une ignorance coupable des traumatismes psychiques vécus notamment par nombre d'enfants. Si aujourd'hui j'ai de grosses difficultés à me faire publier, c'est parce que la vérité dérange. Elle implique de revoir de fond en comble notre vision du monde et nos institutions. Juger, punir, faire la morale, prier, tout cela n'est pas efficace. Il faut comprendre le processus en cause et agir dessus. Alors, en bas de page, il y a une anecdote qui illustre bien la loi du silence qui règne dans les milieux psychiatriques, puisqu'elle concerne Françoise Dolto, égérie de sa profession pour les enfants. Au récit par téléphone d'un parent concernant une petite fille abusée par son grand-père, lui-même psychiatre expert auprès des tribunaux pour les cas de pédophilie, elle répondit: vous savez, les petites filles racontent beaucoup d'histoires. L'éducation sexuelle, selon Georges Lukács. En 1919, les bolcheviks prennent le contrôle de la Hongrie et installent à la tête de l'État Béla Kun. La particularité de cette implantation communiste, la seconde après la Russie, est qu'elle se fait dans un pays très catholique et où donc la philosophie marxiste-léniniste, avec ce qu'elle implique en termes d'amoralité, peine à trouver un terreau. Afin de transformer la situation, les bolcheviks font immédiatement appel à un des leurs, un certain Georges Lukács, qui est placé comme commissaire à la culture. Pendant les quelques mois d'existence du régime totalitaire, il va travailler à transformer les mœurs hongroises par un programme d'éducation extrêmement violent, introduisant en même temps une toute nouvelle matière à l'école, l'éducation sexuelle. Dans la Hongrie de Béla Kun, on enseigna ainsi aux enfants, et cela dès leur plus jeune âge, les avantages de l'amour libre, l'aspect dépassé des codes familiaux et de la monogamie, et l'absurdité de la religion qui empêche de pleinement profiter de la vie. Pour ce qui concerne l'éducation sexuelle, des brochures avec des images très explicites furent distribuées. Dans l'ensemble, le but était d'encourager les enfants à rejeter l'autorité de leurs parents ainsi que celle de l'Église, ceci afin de détruire tout ce qui pourrait s'opposer entre l'enfant libre et l'État omnipotent. C'est aussi durant cette période que, dit-on, de très jeunes adolescentes furent violées par des fils de commissaires politiques, sous couvert d'éducation sexuelle et de leçons d'hygiène. Quelles autres horreurs furent expérimentées dans ce laboratoire social que fut la Hongrie à cette époque-là? Nous ne le saurons sans doute jamais. Le gouvernement de Béla Kun fut renversé quelques mois plus tard et George Lukács dut s'enfuir. Entre-temps, les communistes avaient commencé à se rendre compte que la progression de leur révolution, qu'ils voulaient mondiale, rencontrait des difficultés en Europe occidentale. Si la révolution hongroise avait été de courte durée, celle de Rosa Luxembourg en Allemagne n'avait donné, elle, aucun résultat. L'ennemi qui était pointé du doigt était, comme en Hongrie, la morale chrétienne. George Lukács avait bien compris que lorsqu'il écrivit « Tant que les hommes n'auront pas été convaincus que le monde a été abandonné par Dieu, il n'y aura pas de révolution. » Et pour dépasser cet obstacle, la méthode de Lukács est claire: tout mouvement qui veut amener le bolchevisme en Occident devra être démoniaque. Et celui-ci de préciser: l'abandon de l'âme en tant qu'entité indépendante permet le déchaînement des forces diaboliques qui sont nécessaires pour créer une révolution. Petite parenthèse, vous imaginez donc ce que tout ça implique? C'est comme dans le monde de la musique, avec le fait de pactiser avec le diable, enfin avec ce qu'on appelle le diable, pour avoir la réussite matérielle. L'abandon de l'âme en tant qu'entité indépendante permet le déchaînement des forces diaboliques, etc. Donc, vous imaginez ce qui se passe, c'est que même avec la musique satanique, etc., ils essayent de vous initier, même sans votre consentement, enfin de violer votre conscience, pour que vous perdiez de vous-même votre âme. C'est ça, en fait, quand on y pense. L'école de Francfort. 4 ans plus tard, George Lukács est appelé en Allemagne afin de prendre la tête d'une école qui va avoir des effets dévastateurs sur toute la culture occidentale. L'école de Francfort. Comme nous allons le voir, cette école aura deux objectifs. Premièrement, créer une culture extrêmement violente qui génère un sentiment de désespoir dans la jeunesse occidentale. Deuxièmement, interdire toute critique des perversions ainsi créées en inventant le concept du politiquement correct. L'école de Francfort comptait parmi ses membres l'apôtre de la nouvelle gauche des années 60, Herbert Marcuse, dénoncé par le pape Paul VI pour sa théorie de la libération qui, je cite, ouvre le chemin de la débauche déguisée en liberté. Max Horkheimer, Théodore Adorno, l'écrivain Erich Fromm, Léo Löwenthal et Jürgen Habermas. Selon l'école de Francfort, tant que des individus croient que leurs dons ou leurs raisons peuvent résoudre les problèmes auxquels une société est confrontée, alors jamais cette société ne pourra atteindre l'état de désespoir et d'aliénation nécessaire à la révolution socialiste. La tâche de l'école de Francfort revenait donc à saper au plus vite l'héritage judéo-chrétien. Pour ce faire, elle favorisa une critique négative aussi destructrice que possible de chaque aspect de la vie, critique visant à déstabiliser la société et à détruire ce que l'école de Francfort percevait comme un ordre tyrannique. Son espoir était que ces messages politiques se répandraient comme un virus, poursuivant le travail des marxistes occidentaux par d'autres moyens. Pour accélérer l'avancée de sa révolution culturelle silencieuse, mais sans laisser paraître le moindre indice sur ses plans, l'école recommandait entre autres 1. D'inventer le concept de crime raciste. 2. D'enseigner aux enfants la sexualité et l'homosexualité. 3. De saper l'autorité des écoles et des professeurs. 4. De promouvoir la consommation excessive d'alcool. 5. De mettre en place un système juridique ayant un parti pris contre les victimes. 6. De favoriser une dépendance envers l'État et les aides sociales. 7. De favoriser l'éclatement de la famille. Une des idées majeures de l'école de Francfort était d'exploiter la conception freudienne de pansexualité, la recherche du plaisir, l'exploitation des différences entre les sexes et le renversement des rapports traditionnels entre hommes et femmes. Pour mieux cibler ses objectifs, l'école devait 1. Saper l'autorité du père. 2. Nier les rôles spécifiques du père et de la mère. 3. Dénier aux parents leur droit à être les éducateurs de leurs enfants. 4. Abolir les différences entre l'éducation des garçons et celle des filles. 5. Abolir toutes les formes de domination masculine. 6. Déclarer les femmes comme étant une classe oppressée. Pour ces marxistes, il existait deux types de révolutions, politiques ou culturelles. Le but de la révolution culturelle est de détruire une société par l'intérieur. Il s'agit d'un projet à long terme qui doit concentrer son action sur la famille, l'éducation, les médias et la sexualité. Propagande sur les masses. Bertrand Russell s'associe à l'école de Francfort. L'école de Francfort, dans sa tâche d'ingénierie sociale, révéla les plans de l'école dans son ouvrage L'impact de la science sur la société, 1951. Il y écrit: Suite à l'essor des techniques modernes de propagande, la psychologie de masse a pris une importance bien plus grande encore. Parmi ces techniques, la plus influente est l'éducation. Si des psychologues sociaux appliquaient sur des enfants scolarisés différentes méthodes pour les convaincre de manière inébranlable que la neige est noire, les conclusions seraient les suivantes. 1. L'influence parentale est un obstacle. 2. Si l'endoctrinement ne commence pas avant l'âge de 10 ans, aucun résultat significatif ne peut être obtenu. 3. Les messages communiqués à travers la musique et entonnés de manière répétitive sont très efficaces. Je répète ça. 3. Les messages communiqués à travers la musique et entonnés de manière répétitive sont très efficaces. 4. Croire que la neige est blanche doit passer pour un goût morbide, pour de l'excentricité. Et Bertrand Russell d'ajouter, je cite, Il incombe aux futurs scientifiques de faire de ces principes une science exacte et d'établir précisément combien cela coûterait par tête de convaincre les enfants que la neige est noire et combien on économiserait en les convaincant qu'elle est gris foncé. Une fois cette technique perfectionnée, chaque gouvernement sera en mesure de contrôler ses sujets en toute sécurité sans qu'il soit nécessaire de faire appel à l'armée ou à la police. Dans Fidelio Magazine, alors petite parenthèse, Fidelio, qui est le titre d'un opéra, il me fait penser au mot de passe, vous savez, qui est requis dans le film Eyes Wide Shut, dans lequel Tom Cruise se rend à une soirée sataniste, d'ailleurs, qui est filmée dans un château qui appartenait au Rothschild. Fidelio, ouais, c'est marrant. Michael Minicino observe comment les héritiers de Marcuse déterminent désormais entièrement les universités et apprennent à leurs propres étudiants à remplacer la raison par des exercices rituels de politiquement correct. Aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, très peu d'auteurs publiant des ouvrages sur les arts, la littérature ou le langage ne reconnaissent pas ouvertement leur dette envers l'école de Francfort. La chasse aux sorcières qui sévit sur nos campus est simplement la mise en œuvre du principe de tolérance répressive appliqué par les membres de cette école. Tolérance envers les mouvements issus de la gauche, mais intolérance envers ceux issus de la droite. L'un des membres de l'école de Francfort, R. Nevitt Sanford, a joué un rôle déterminant dans la diffusion des drogues psychédéliques. En 1965, il écrit dans un ouvrage publié par l'Institut Tavistock, dont je vous avais fait une petite vidéo, hein. La nation semble fascinée par nos 40 000 toxicomanes dangereusement entêtés et qu'il faudrait contrôler à tout prix par une activité policière onéreuse. Seul un puritain frustré peut cautionner la politique mise en œuvre actuellement. Mettre l'accent sur les toxicomanes, et non pas sur nos 5 millions d'alcooliques, et les traiter comme un problème policier plutôt que médical. Parenthèse, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Paris. À Stalingrad et tout, avec tous les consommateurs de crack qui pourrissent tellement les quartiers que les habitants n'en peuvent plus, quoi. Et on fait passer ça seulement pour un problème sanitaire et policier. C'est-à-dire, le problème de fond, c'est pas un problème, quoi. Les propagandistes actuels du lobby de la drogue basent leurs arguments pro-légalisation sur la même duperie scientifique que celle de R. Nevitt Sanford. Sur cette liste figure le multimilliardaire George Soros, dont l'un des premiers programmes aux États-Unis consista à contester l'efficacité de la guerre menée par le gouvernement américain contre la drogue. Théodore Adorno allait, lui, prendre la direction d'un département d'études musicales. Dans sa théorie de la musique moderne, il promeut le recours à la musique atonale comme arme de destruction de la société et le recours à des formes de musique dégénérées afin de favoriser la maladie mentale. Il affirme qu'il est possible d'assujettir les États-Unis en utilisant la radio et la télévision pour promouvoir une culture du désespoir et du pessimisme. À la fin des années 30, lui et Horkheimer s'étaient installés à Hollywood. Alors, ce qui est très intéressant, parce que je connais un petit peu la musique, c'est extrêmement intéressant, le fait qu'ils disent que la musique atonale comme arme de destruction de la société. Je me souviens d'une des phrases d'Edgar Varèse, qui est le pionnier de ce qu'on appelle la musique concrète, mais aussi électroacoustique. Et quand on lui demandait pourquoi il utilisait toujours les registres extrêmement aiguë et ou grave des instruments, c'est-à-dire en fait la limite extrême des tessitures des instruments. En substance, il disait, c'est pour s'éloigner le plus possible du sentiment dont la musique peut être vecteur, des émotions. C'est pour se séparer des émotions. Et effectivement, si vous écoutez la musique d'Edgar Varèse, celle du début, c'est-à-dire là où il utilise des instruments traditionnels, on a par exemple des tubas ou des bassons qui sont joués de manière très grave, qui créent une espèce de nappe du genre. Et vous allez avoir je sais pas moi, des notes de flûte très aiguës, mais complètement déstructurées au niveau tonal, qui correspondent pas en fait à notre oreille classique. Enfin, comment vous voulez dire? Comment je veux dire? Qui correspond pas à l'harmonie à laquelle on a été habitué. Effectivement, c'est très intéressant qu'il exprime, qu'il veuille supprimer les émotions par la musique. Et c'est vrai qu'en ça, c'est totalement déstructurant quand vous y pensez. Alors, je ne sais pas du tout s'il en est de même avec la musique spectrale de, par exemple, Penderecki et d'autres, qui est d'ailleurs, de façon intéressante, utilisée énormément dans le film Shining, qui parle implicitement d'abus sur enfants. Kubrick utilise beaucoup la musique de Penderecki. Donc la musique spectrale, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une musique atonale, donc c'est pas une musique tonale. Les harmonies ne sont pas du tout habituelles. C'est une musique qui peut être déstructurante, et d'ailleurs elle est déstructurée au niveau même du solfège, c'est-à-dire que Penderecki avait inventé un nouveau solfège, qu'on est d'ailleurs, maintenant qu'il est mort, on est d'ailleurs, c'est très compliqué aujourd'hui de continuer à l'appliquer, ce solfège, parce que les gens commencent à ne plus savoir comment lire ces partitions-là. En fait, c'était des partitions avec des triangles, des traits vers le haut, vers le bas, etc. En fait, l'idée, c'était que les musiciens pouvaient indépendamment rentrer quand ils voulaient dans la mesure. C'est-à-dire que, par exemple, on a sur 10 violons, les 10 violons ne vont pas rentrer en même temps dans la note. Donc, effectivement, c'est une musique déstructurante quand on y pense. Mais je ne sais pas si c'était fait de manière voulue ou pas, mais ça contribue à déstructurer en fait l'oreille occidentale et donc le psychisme occidental, ça me paraît clair. La libération sexuelle. Dans son livre intitulé L'âme désarmée, Alan Bloom observe comment l'œuvre de Marcuse dans les années 60 séduisit les étudiants en associant Marx et Freud. Dans Eros et civilisation et l'homme unidimensionnel, Marcuse prédit que vaincre le capitalisme et sa fausse conscience résultera en une société où les plus grandes satisfactions seront d'ordre sexuel. La musique rock touche la même corde chez les jeunes. La liberté d'expression sexuelle, l'anarchie et la libération de l'inconscient irrationnel témoignent d'un même objectif. Ce sont ces intellectuels marxistes qui, plus tard, lors des manifestations anti-Vietnam, inventeront l'expression faites l'amour, pas la guerre. Et ce sont ces mêmes théoriciens qui rêvèrent d'un monde utopique gouverné par leurs règles. Leur mantra, les différences sexuelles sont un contraste. Si cela vous fait du bien, faites-le. Faites ce qui vous plaît. Dans son livre Sex and Social Engineering, Valérie Ritchies observe comment, à la fin des années 60, d'intenses campagnes parlementaires ont été organisées par un certain nombre d'organisations impliquées dans le domaine du contrôle des naissances, contraception, avortement, stérilisation. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que au-delà, bien évidemment, de tout ce qui est d'ordre moral, etc., moi j'ai toujours dit que au fond du fond ou au fin du fin, qui ça arrangeait au niveau des élites de promouvoir l'homosexualité, la PMA, etc., et le fait de faire moins d'enfants, enfin, c'est le résultat final de faire moins d'enfants. Effectivement, il pourrait s'agir d'un des sous-programmes d'un programme plus global qui serait le contrôle des naissances ou même la suppression des naissances, quoi, idéalement pour eux, hein. C'est-à-dire que tout ça, en fait, mène à une non-procréation, finalement. Je continue. Ces groupes partageaient les mêmes fonds, la même idéologie et parfois la même adresse. Ils étaient liés par des intérêts communs et bénéficiaient de subventions. Au cœur de ce réseau se trouvait l'Association pour le Planning Familial, Family Planning Association. Une enquête plus approfondie a révélé que ce réseau était en fait impliqué dans l'eugénisme, le contrôle de la population, la contraception et les réformes du droit familial, ainsi que l'éducation sexuelle. Ces tentacules s'étendaient aux maisons d'édition, aux établissements médicaux, aux organisations féminines et à la consultation conjugale. Il avait une grande influence sur les médias et sur les fonctionnaires dans les ministères concernés. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà eu une étude qui s'est intéressée à l'impact sur la procréation de la période de la hantise du sida? Je suis sûr que ça a commencé, que l'objectif était aussi de répandre parmi la population, mais pas seulement homosexuelle, hein, la peur de la sexualité avec l'autre. C'est-à-dire, à partir du moment même où on nous dit qu'un préservatif, ça ne suffit plus au cas où il se passerait, hein, eh bien finalement, ça vous amène à ne plus faire du tout, à ne plus faire rien, à ne plus rien faire du tout à ce niveau-là, et ça induit aussi une peur de l'autre, bien évidemment. Fin de la parenthèse. Le porte-parole d'un symposium d'éducation sexuelle organisé à Liverpool résuma la tactique de ce groupe, affirmant que si nous ne nous occupons pas de l'éducation sexuelle, les enfants adopteront simplement les mœurs de leurs parents. Or, selon les conceptions de la psychologie humaniste, l'enfant doit être libre de choisir ses propres valeurs. Le professeur doit simplement rendre ce choix possible et éviter toute moralisation ou critique. Le thème dominant dans la sélection des valeurs est qu'il n'existe ni bonne ni mauvaise valeur. En l'absence d'une assistance claire en matière de moralité, les enfants font naturellement leur choix en fonction de leurs sentiments. Et à cause de la forte pression exercée par l'entourage, en particulier leurs camarades de classe, les valeurs partagées se réduisent au dénominateur commun le plus bas. Timothy Matthews, traduction Vitriol. Commentaire du Chrome, cet article ne présente qu'en ses grandes lignes le projet des freudo-marxistes de l'école de Francfort, mais il pousse chacun à se remettre en question. En effet, si nous avons été séduits par la propagande intellectuelle des années 60, n'avons-nous pas nous aussi une responsabilité envers les horreurs qui sont en train de se généraliser? Si la libération sexuelle est le mot d'ordre, y a-t-il encore quelqu'un qui puisse définir où s'arrête cette liberté sans passer pour un fasciste? Et puis, j'ajoute, comme parenthèse personnelle, tous ces gens-là, ces pédophiles, nous parlent de leur liberté à faire leur propre choix, c'est-à-dire de choisir des enfants plutôt que des adultes, etc. Mais l'abomination, elle est là, c'est-à-dire que les dégâts collatéraux, les enfances brisées, qui s'en soucie? Est-ce que ça va créer des individus équilibrés une fois adultes? Vous voyez ce que je veux dire? Là-dessus, enfin, moi j'ai plein de choses à dire. Hein. Je vous dis, j'en ai connu. Et on peut pas dire que ça crée des enfants équilibrés. Le fait d'avoir subi des abus sexuels quand ils étaient enfants, ça crée des individus qui sont très attirés par l'alcool, par les drogues, par la sexualité non protégée, très tentés naturellement de se prostituer pour gagner de l'argent en étant jeune, pour s'acheter des conneries. Vous voyez? Et alors qu'aujourd'hui, on est en train de dire le gouvernement va s'occuper de la prostitution des jeunes, etc. Mais on s'occupe que, comment dire, du résultat du problème. Et on va surtout pas fouiller en amont. Hein? Est-ce que vous croyez en quoi c'est naturel pour un jeune normal, entre guillemets, de se prostituer pour acheter le dernier iPhone? C'est normal seulement si la sexualité a déjà été perverti dans l'enfance. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais ajouter aussi une façon de se nourrir qui est complètement boulimique et déséquilibrée, c'est-à-dire une tendance à aimer tout ce qui est extrêmement calorique, la malbouffe, pizza, plat préparé, kebab, vous voyez ce que je veux dire? McDo, etc. Et d'ailleurs aussi une sorte de fascination pour la pizza, qui pourrait être une espèce de point d'ancrage chez ces enfants, comme si la pizza aurait été, en de nombreuses occasions, la récompense pour l'enfant après un abus sexuel, mais de manière répétée. C'est-à-dire que peut-être que ces individus ont conscience qu'ils créent Après une dépendance qui confine, enfin, qui va presque jusqu'au syndrome de Stockholm, c'est-à-dire on en vient à aimer ou à ne pas détester son agresseur ou son agresseuse, parce que il y a une technique de push-pull qui est mise en place, c'est-à-dire je te viole, mais ensuite tu as droit à quelque chose qui est bon. Donc c'est-à-dire que le cerveau, en fait, le circuit de récompense est totalement déréglé. Et aussi le circuit moral, bien entendu. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui pourrait expliquer d'ailleurs toute la symbolique de la pizza par rapport à la pédophilie. Enfin bref, ça c'était juste une parenthèse. Donc très bientôt, je vous lirai la seconde partie donc, de ce dossier.